Alors franchement, y'a des leurs sur des fraudeurs qui font carton plein. Je passe à leur hauteur, j'arrive sur le quai, plein mon train. Je pose enfin mon cul sur un strapontin en rêvant à des territoires lointains. C'était d'ici, c'est rien. Tu sais bien que c'est comme ça qu'on tient. Là où t'es plus qu'une fourmi qui va et qui vient dans des wagons pleins. Chaque matin on se croise, les mêmes comptoises, mais on se demande pas ce qu'on devient. Dans le vacarme assourdissant, des crissements de rails, des crispations de freins dans les tunnels du trône, des tags et des chromes. La guerre culturelle va à son plein. 7, SOK et la CAD, yeah, yes. C'est pas de ma faute si comme décor autour de moi je n'ai que du béton à perte de vue, à croire qu'on nous met à l'écart de l'encre en guise de liqueur. La téloche, c'était moins hardcore, à base de Goldorak, Captain Flamme et Albator, sale bâtard. Tu voudrais voir mes mondes vendre des programmes en démol, mais papa gâteau mettra toujours un bémol. La colique est télévisuelle, pratique du mensonge comme un rituel. T'étonnes pas de te faire maraf quand tu viens filmer nos ruelles. À ma couche, je suis fidèle comme Castro, outillé comme Casto. Postillonne à la gueule des Schmitt quand j'ai une gastro. Nos quartiers, c'est pas Bagdad, ni le Bronx des 80s. Les townships du Cap ou les favelas d'Oblagil. Des formations médiatiques, rien que ça stigmatise nos blocs, radicalise les votes et les crises. Les procs, les porcs et sales, comme les pognes, sale un jupé, sale comme le slibard des tétards que ma France d'en bas fait flipper, sale, comme la pseudo-tutelle de l'Hexagone en Afrique, sale, comme le climat d'insécurité que TF1 fabrique.